Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le mouvement d'extrême droite, Occident. Dans la seconde moitié des années 60, une bande de cogneurs sème la terreur aux sorties des lycées et devant les facultés. Son nom, Occident, donc. Ouvertement nationaliste, ce groupuscule d'étudiants casse volontiers du gauchos dans les rues du quartier latin. Profondément anti-marxiste, jusqu'à l'obsession, les jeunes de ce mouvement partagent pourtant avec leurs adversaires une détestation du régime de la Ve République naissante. La fin de l'Algérie française y est pour beaucoup. Pas franchement démocratique, le groupuscule prône à sa création un ordre nouveau, fascisant. Dans le bouillonnement qui précède mai 68, certaines figures de la droite y font leurs armes, comme d'autres à gauche militeront chez les trotskistes ou les maoïstes. Parmi eux, des noms bien connus de la vie politique française, Alain Madelin, Patrick Devedjian ou encore Gérard Longuet. Un passé encombrant dont ils parlent très peu aujourd'hui. Erreur de jeunesse, disent-ils. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Charpie, journaliste, auteur des livres intitulés « Génération Occident » et « Les plastiqueurs, une histoire de l'extrême droite violente », au seuil pour le premier, à la découverte pour le second. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Eh bien, on peut dire qu'ici, place de la Sorbonne, où je me trouve en ce moment, l'énervement se joint maintenant à la tension qui n'a cessé de croître tout au long de l'après-midi. Depuis plus de 3 heures maintenant, le boulevard Saint-Michel est occupé, tour à tour, par les manifestants et par le service d'ordre. 1 000 à 2 000 manifestants ont essayé, il y a 5 minutes environ, d'élever une barricade avec les pavés du boulevard Saint-Michel. Mais les gardiens de la paix ont chargé et il reste simplement un trou dans la chaussée. Tout cet après-midi, ces violences se sont succédées. Écoutez deux échos sonores de ces violences. Eh bien, actuellement, il y a un gardien qui est assez sérieusement blessé. Ses camarades l'emportent. Qu'est-ce qu'il a eu exactement? Il a reçu une pierre. Attention. Voilà, il tombe par terre. Il y a actuellement une femme qui est blessée. Il y a actuellement une femme qui est blessée, nous sommes en plein boulevard Saint-Michel et on va essayer de l'évacuer maintenant, elle a été blessée, je ne sais pas comment, peut-être par un jet de pierre. Actuellement les policiers chargent et les étudiants sont pris entre deux feux car venant du bas du boulevard Saint-Michel, il y a maintenant d'autres CRS qui remontent. Les policiers chargent maintenant. 3 mai 1968. À Paris, les premiers pavés volent sur le boulevard Saint-Michel. Étudiants et forces de l'ordre se font face. Le mouvement de mai vit ses premières heures. Une décision contestée du recteur de Paris et la colère de la jeunesse explose. Après la fermeture de la faculté de Nanterre la veille, Jean Roche vient d'annoncer celle de la Sorbonne. Les étudiants qui y sont rassemblés sont évacués manu militari. En cause, des affrontements entre militants d'extrême droite et étudiants de gauche, à Nanterre comme à la Sorbonne. Bref, la situation devient incontrôlable, estime le recteur, qui s'en explique un peu poussivement au micro de l'ORTF quelques jours plus tard. Jeudi dernier, dans la matinée, il y a eu ici un incendie qui était une petite chose mais assez significative et qui aurait pu tourner véritablement au drame. On a trouvé à ce moment-là la grenade fumigène, et un beau sigle politique, le sigle du groupe Occident, qui était très ostentatoirement posé sur le mur. Dès le vendredi midi, on a vu arriver dans la cour un certain nombre de personnes qu'on n'a pas l'habitude d'y voir, et dont certains m'ont dit, bien sûr, ce sont des étudiants de Nanterre, n'est-ce pas ? Et on a vu sortir assez rapidement des matraques, des gourdins. Et pas très longtemps après, il y a eu, devant la Sorbonne alors, et non pas rue de la Sorbonne, un défilé de gens qui avaient, disons, une tenue particulière et qui criaient « Occident vaincra ». Slogan guerrier, action musclée. Depuis 4 ans, Occident, un groupe de jeunes nationalistes, fait les gros titres pour ses attaques spectaculaires contre les gauchistes et les anticolonialistes. un militantisme à coups de barre de fer et de clé à molette. Comble de l'histoire, le groupuscule vient d'allumer en fait la mèche de l'explosion 68arde en France, laissant aux gauchos, comme ils les appellent, le monopole de la révolte et de la dénonciation du régime du général de Gaulle et de son cortège d'affrontements avec les forces de l'ordre. Que reste-t-il alors aux jeunes enragés d'Occident ? Le groupe est dans l'impasse, entre révolte impossible et soutien impensable, un échec majeur. Parmi eux, un homme aujourd'hui bien connu de la vie publique française, Alain Madelin. Il a 16 ans en 62. Il vient d'un milieu modeste et habite avec ses parents un petit appartement quai de Valmy sur le canal Saint-Martin à Paris. Son père, employé de bureau, a été ouvrier à la Régie Renault et membre de la CGT. Sa mère, elle, est dactylo. Au lycée Voltaire, il apprend le métier d'ajusteur, de tourneur, de fraiseur. Sociologiquement, son univers est donc plutôt de gauche. Madelin va pourtant être séduit et recruté par la Fédération des étudiants nationalistes. Cette structure est une émanation du parti nationaliste Jeune Nation, fondé par Pierre Sidos et son frère Jacques, en 1946. Tous les deux sont fils d'un collabo, François Sidos, fusillé à la Libération. La ligne contre le communisme et pour le maintien de l'empire colonial français. Favorable à la mise en place d'un régime fasciste, les frères Sidos choisissent comme emblème la croix celtique. Le parti, très virulent pendant la guerre d'Algérie, proche de l'OAS, est interdit après le putsch du 13 mai 58. Et la suite des événements algériens pousse de nouvelles troupes à frapper à la porte de la FEN. Nous sommes le 18 mars 1962, le général de Gaulle s'exprime après les accords d'Évian. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. La fin de l'Algérie française. Pour une partie de la jeunesse née dans l'après-guerre, la décolonisation est perçue comme une amputation de la grandeur de la France. Cela révolte Alain Madelin et d'autres lycéens, parisiens pour beaucoup, qui se retrouvent au sein de la FEN, la Fédération des étudiants nationalistes comme Alain Robert, du lycée Buffon, Gérard Longuet qui lui étudie à Henri IV, ou François Duprat, le plus âgé de la bande qui a fait ses armes avec Jeune Nation. La FEN est alors dirigée par des anciens de Jeune Nation, Dominique Venner et François Dorcival, qui est également à la tête de la revue Europe Action. Pierre Sidos, lui, emprisonné pour soutien à l'OS, croupit à la prison de la Santé. Le groupe adopte alors une ligne plus timorée. Fini l'activisme. Il veut liquider les séquelles de l'OS. Or, en ce début de décennie, la droite nationaliste est très affaiblie. La vague poujadiste s'est tarie, l'OAS est muselé, l'horizon électoral bouché, et le Front National n'est qu'un groupuscule dirigé par un borgne exalté. Alors, pour Madelin, Robert et les autres, l'action dure, il n'y a que ça le vrai. Et qu'importe les ordres de la direction de la FEN, les lycéens multiplient les opérations commando à la sortie d'établissements parisiens, Buffon, Carnot, Voltaire. Voilà pour la méthode. Mais sur le fond, les désaccords sont aussi de plus en plus nombreux. Vénère et Dorcival développent un discours hostile à l'armée, anti-chrétien, et prônent le ralliement à une patrie européenne. Un corpus qui ne plaît pas aux lycéens parisiens. Pierre Sidos, qui sort tout juste de prison et se sent dépossédé de son mouvement, regarde d'un œil très intéressé ce petit groupe séditieux et il n'hésite pas à lui apporter son soutien. C'en est trop pour la direction de la FEN. Le 18 février 64, le coup retombe. Alain Madelin, Gérard Longuet, Alain Robert ou encore François Duprat sont boutés hors du mouvement. Le petit groupe d'une dizaine de personnes se retrouve alors autour de Pierre Sidos. Le militant fasciste les pousse à créer une nouvelle organisation et leur souffle même un nom, Occident. Un bon résumé des valeurs qu'ils défendent, pensent-ils. Les statuts sont déposés à l'automne 64. Le programme, lui, se décline sur l'un des premiers tracts du groupe politique intitulé « Qu'est-ce qu'Occident ?». Eh bien voilà ce que propose le mouvement. En finir avec le régime. Rendre sa grandeur à la France en réalisant une seconde révolution française anti-libérale et anti-marxiste. placer l'homme dans son cadre normal, la famille, la profession, la province, la nation. Abolir le suffrage universel politique, néfaste aux intérêts de la nation. Combattre les ennemis de l'intérieur. Les puissances financières doivent être écartées des responsabilités politiques. La franc-maçonnerie, dont les membres doivent être révélés au grand jour. Les métèques, qui se servant de la France sans la servir, doivent être rejetés. Les marxistes au service de l'étranger. Voilà, c'est peu ou prou le programme de Jeunes Nations. Du mouvement de Pierre Sidos, Occident reprend également l'emblème, la croix celtique, un anneau dans une croix. Sidos est d'ailleurs l'orateur star de la première grande réunion d'Occident. Celle-ci se tient le 4 mai 64 à la Maison de la Bretagne, à Paris. Au-dessus de l'estrade, une grande banderole proclame le premier slogan du groupuscule d'extrême droite, « Défendre l'Occident partout où il se bat ». Devant une salle presque pleine, Sidos délivre un discours qui lui vaut des applaudissements nourris. Vient ensuite le tour de l'un des piliers du groupe, certains diront même sa tête pensante, Gérard Longuet. À seulement 18 ans, le jeune homme en costume cravate et petites lunettes se lance dans une véritable déclaration de guerre. Les communistes n'ont qu'à bien se tenir. Désormais, Occident n'hésitera pas à les affronter, physiquement s'il le faut. Longuet ajoute qu'il ne supportera pas plus longtemps les réunions anti-françaises organisées par un pseudo-comité anticolonialiste, je le cite. Des menaces vite mises à exécution. Le 8 mai, soit seulement 4 jours plus tard, des militants d'Occident inscrivent leur premier fait d'armes dans les colonnes des journaux. Ils sont alors rassemblés à la Mutualité à l'occasion d'une conférence donnée par Pierre Boutang, un penseur nationaliste, sur le thème « Après de Gaulle, suite ou révolution ?». Au même moment, au premier étage de la célèbre salle parisienne, se tient une réunion du comité anticolonialiste, visée quelques jours plus tôt par les menaces de Gérard Longuet. Alors, l'occasion est trop belle. Les jeunes nationalistes s'arment de bombes lacrymogènes et de poings américains. Ils débarquent dans la pièce où se tient la réunion des anticolonialistes et provoquent une bagarre générale. Bilan de l'opération, de gros dégâts matériels, 5 nationalistes arrêtés et 2 anticolonialistes blessés. Quelques semaines plus tard, le 2 juin, les militants ciblent cette fois le gala Chanson pour la paix, organisé par la CGT et l'UNEF, au cinéma Le Savoie, boulevard Voltaire. Et là, ils attaquent un coup de barre de fer, chaîne de vélo et même croc de boucher. Puis, ils s'esquivent après avoir empoché au passage les 150 francs de la caisse. Jouer sur l'effet de surprise et prendre la poudre d'escampette avant l'arrivée de la police, voilà la marque de fabrique d'Occident. Ces opérations sont les premières d'une longue série. Mais l'action n'est pas tout. Alors que la présidentielle de 1965 se profile, la première au suffrage universel, direct, les militants d'Occident décident de se ranger derrière le seul candidat nationaliste, l'avocat Jean-Louis Texier-Vignancourt, qui s'exprime le 26 novembre 65 sur le RTF. J'estime que la France, avant d'aider les autres, doit d'abord s'aider elle-même. J'estime que l'argent des Français appartient d'abord à la France et aux autres après, et s'il en reste. Sinon, notre pays deviendrait à son tour un pays sous-développé. Le rapprochement avec Texier-Vignancourt s'opère dès l'automne 64. Recommandé par Pierre Sidos, les militants d'Occident rencontrent alors Roger Olyndre au QG du comité TV pour Texier-Vignancourt jeune. Olyndre est un ancien de Jeunes Nations chargé de l'encadrement des nouveaux et du service d'ordre par le directeur de campagne de Texier-Vignancourt, un certain Jean-Marie Le Pen. Le candidat craint en effet des attaques de communistes et d'étudiants lors de ses meetings. Alors, quelques militants aguerris aux affrontements avec les gauchistes, comme ceux d'Occident, pourraient être utiles. Les jeunes nationalistes intègrent donc le service d'ordre dès novembre 64. Cette campagne permet au mouvement de faire son trou parmi les nationalistes. Le soir du 5 décembre 65, les résultats du premier tour sont décevants pour les nationalistes. Texier-Vignancourt ne réunit que 5% des voix. Mais Occident sort gagnant de cette longue campagne. Car le groupuscule d'extrême droite s'est désormais fait un nom et en a profité pour récupérer de l'argent. De quoi financer les prochaines actions.

Avril 1966. Dans le quartier latin, au bar Le Relais, le QG des militants d'Occident, c'est l'ébullition. Il se trouve qu'au théâtre de l'Odéon, à seulement quelques mètres de là, la dernière pièce de Jean Genet, Les Paravents, va être présentée pour la première fois. L'histoire se déroule sur fond de guerre d'Algérie et met en scène une centaine de rôles joués par 40 comédiens. Sont distribués Jean-Louis Barrault, Maria Cazares ou encore Madeleine Renaud, enfin tous les grands noms du théâtre de l'époque. Mais choisir la guerre d'Algérie, 5 ans seulement après les accords d'Évian, voilà de quoi ouvrir une plaie pas encore cicatrisée. D'autant que la pièce est perçue comme antimilitariste à cause d'une scène pas très subtile, il faut le dire, dans laquelle un soldat pétonnait d'un officier mourant pour qu'il respire l'air de la France. Inadmissible, estime une partie des militants d'Occident, proche des militaires. Quelle offense! Les plus scandalisés se mêlent aux manifestations organisées par les anciens combattants de la guerre d'Algérie. Tous veulent empêcher que la pièce se joue. Mais les jeunes d'Occident ne vont pas se contenter de manifester sagement. Certains suivent le nationaliste Roger Olinvre et assistent à toutes les représentations. Parmi eux, Patrice Gélinet, fraîchement recruté. Chaque soir, c'est le même manège. Les jeunes extrémistes pénètrent dans la salle lors de l'entracte et lorsque la scène litigieuse survient, eh bien tous se mettent à siffler et à huer. Mais la pièce est toujours à l'affiche et ce jusqu'au 30 avril. Jean-Louis Barrault témoigne au journal de l'ORTF. Hier soir, d'une façon tout à fait concertée, car ça s'est passé exactement comme un assaut de village, n'est-ce pas ? Il y a eu à un moment donné, précis, en 15 secondes, des chaises, des bouteilles, des pétards incendiaires, etc., etc. Et, bien entendu, l'effet de surprise a causé une certaine violence de part et d'autre. On a été obligé de baisser le rideau de fer. Et puis, au bout de 5 minutes, j'ai demandé la permission de continuer le spectacle. Nous l'avons continué sans autre incident et ça s'est terminé très très bien. En tout cas, l'offensive est spectaculaire. L'intervention des gardes républicains permettra à Maria Cazares de reprendre sa réplique là où elle l'avait laissée. Pour autant, l'incident aura vite raison de la pièce, arrêtée après seulement 12 représentations. Alors, une victoire pour Occident, sans doute. Pour sa méthode, en tout cas, même si en interne, la manœuvre divise. Certains seraient attachés à la liberté d'expression, comme Gérard Longuet. Cela n'empêche pas de se lier d'amitié avec Patrice Gélinet. Avec Alain Madelin et Patrick Devedjian, qui gravitent autour du mouvement dès sa création, ces quatre-là forment une bande de potes. Occident réunit des personnalités diverses et parfois éclectiques qui fonctionnent ensemble grâce au bagarreur Alain Robert et à son charisme. Forts de leur premier succès, ils se choisissent une nouvelle cible ambitieuse, les gauchistes de l'Université de Nanterre. Ainsi, le 18 octobre, à l'heure du déjeuner, alors que les étudiants font la queue à la cantine de la fac, une dizaine de militants d'Occident débarquent. Armés de barres en bois, de clés anglaises et de chaînes de vélo, ils frappent pendant 2 ou 3 minutes, puis sautent dans une voiture et filent à toute vitesse. 1 mois et demi plus tard, le 1er décembre, ils retentent la même opération. Parmi les assaillants, Alain Madelin et Patrick Devedjian, blouson et manteau de cuir noir. Sauf que cette fois, la bande de durs d'extrême droite a droit à un comité d'accueil manifestement bien préparé. Des militants de l'UNEF armés. L'affrontement aura bien lieu, mais il tourne clairement en faveur des gauchistes. À armes égales, sans effet de surprise, le groupuscule d'extrême droite est bien plus faible. Difficile en tout cas d'être un militant d'Occident sur le campus de Nanterre, comme le confirme ce jeune homme, interrogé par l'ORTF en mars 68. L'unité à Occident, c'est quoi ? Ça représente des distributions de tracts, des discussions, des bagarres ? Qu'est-ce que ça représente ? Voilà, des bagarres. Voilà, j'attendais le mot. Il y a des bagarres dans la mesure où on ne nous laisse pas nous exprimer. Si, par exemple, moi, je veux aller distribuer des tracts à la sortie de la faculté du Front uni de soutien au Sud-Vietnam, c'est certain, il y aura de la bagarre. Vous êtes pour le soutien au Sud-Vietnam ? Oui, je suis pour le soutien au Sud-Vietnam. Les militants d'Occident sont-ils si muselés, comme le laisse entendre cet étudiant ? En vérité, après cet échec, ils cherchent à faire parler d'eux de manière spectaculaire, une nouvelle fois. Deux semaines après, le 3 novembre 67, Madeleine, De Weijen et le reste de la bande veulent commémorer les 10 ans du soulèvement des Hongrois à Budapest, maté par Moscou et ses affidés communistes au pouvoir en Hongrie. À l'époque, en 56, l'ancêtre du groupuscule Jeune Nation avait attaqué le siège du PC. Les jeunes extrémistes veulent reproduire l'exploit. Ils collent 10 000 affiches dans tout Paris et distribuent plus de 50 000 tracts. Mais rien ne se passe comme prévu. La manifestation interdite se tient quand même, mais ne parvient pas à surpasser les forces de l'ordre et les militants communistes. On est loin du résultat escompté. Alors, les petits soldats du mouvement enchaînent les agressions isolées contre des pro-chinois, des marxistes en tout genre, et les raids contre les lycées continuent. Portés à coups de clé à molette et de barre de fer, les coups font mal. Mais la violence d'Occident n'a pas encore atteint son paroxysme. Le raid de trop a lieu à Rouen, en janvier 67. Le 9, Gérard Longuet et Alain Robert rendent visite sur le campus de Mont-Saint-Aignan à quelques militants sympathisants qui montent une section car le mouvement n'est pas encore représenté dans cette université. Il est d'ailleurs très mal perçu par les autres étudiants, y compris ceux de droite, rebutés par leur fait d'armes. Ils craignent que le campus ne devienne le cadre de nouveaux affrontements entre gauchistes et nationalistes. Longuet et Robert quittent les lieux sous les sifflets. Il n'en fallait pas plus pour les pousser à revenir. Les voici donc de retour 3 jours plus tard, le 12 janvier. À midi, à l'entrée du restaurant universitaire, une 50aine de militants du comité Vietnam a installé table et chaises, déployé un grand drapeau Vietcong et procédé à une collecte de fonds. Mais après un peu plus d'une heure, on annonce une bagarre au réfectoire. Les étudiants qui se précipitent aux fenêtres de la cantine arrivent juste à temps pour voir débarquer 20 jeunes en blouson et manteau noir, barre de fer et même un trident à la main. Au cri d'Occident vaincra, Occident passera, De Gaulle au poteau, ils fondent sur les membres du comité Vietcong. S'ensuivent quelques secondes d'une violence extrême, puis plus rien. Comme à leur habitude, les jeunes extrémistes ont déjà disparu sans laisser de traces. Au sol, au milieu des flaques de sang, des boulons et des morceaux de chaise, gisent plusieurs étudiants. L'un d'entre eux, Serge Bollock, a eu le crâne défoncé par une clé à molette. Il est dans le coma. Les auteurs de l'attaque ne tardent pas à être retrouvés. Voici le récit qu'en font Patrice Gélinet et Gérard Longuet dans le documentaire « 68 arts de droite » de Bertrand Delay, produit par Lady Bird Film. Nous sommes tous retrouvés, ou pour beaucoup d'entre nous, en tôle, en tout cas en garde à vue, puis nous avons été condamnés. Je me souviens même d'ailleurs qu'à ce moment-là, certains d'entre nous n'avaient pas les moyens de payer la condamnation. C'est mon père qui l'a payé pour plusieurs personnes, et il n'était plus question pour moi de continuer dans ces conditions. L'histoire de Rouen, je la connais bien. Et c'est la démonstration que la bande n'arrivait pas à dépasser le réflexe de la bande. C'est-à-dire, on nous a marché sur les pieds, pour un œil, les deux yeux, pour une dent, toute la gueule, selon la formule. Et ça, je me suis dit, non, mais ça peut pas aller. Et je me rends compte que la bande a son charme, mais a ses limites. Cette fois, Occident ne restera pas impuni. Patrick De Weijen, Gérard Longuet, Patrice Gélinet, Alain Madeleine, Alain Robert sont interpellés le 8 février 1967. Les trois premiers ne resteront que très peu de temps derrière les barreaux. Les seconds en sortent en mars 67 après la reconstitution des faits. En tout cas, l'épisode sème le trouble au sein du mouvement. Certains, comme Patrick De Weijen, sont accusés d'avoir trop parlé aux enquêteurs. 4 camarades, bien décidés à se venger, le convoquent à une réunion rue Soufflot. En réalité, point de rassemblement. Non, De Weijen est empoigné, déshabillé et immergé sous l'eau dans une baignoire. Il parvient à s'échapper nu par la fenêtre. De quoi le refroidir. De Weijen quitte le mouvement quelques semaines plus tard et se concentre sur ses études de droit. Pour certains, Rouen marque en effet un tournant. Patrice Gélinet décide de raccrocher peu après. Gérard Longuet, qui s'est marié pendant l'été, prend ses distances, lui aussi, et prépare l'ENA. Les deux Alain, Alain et Robert, eux, sont toujours aux avant-postes. Mais leur mouvement, Occident, est de plus en plus isolé. Face à lui, l'extrême-gauche, son éternel adversaire, n'en finit plus d'attirer les forces vives. Le rapport de force tourne clairement en la défaveur d'Occident. Le 7 février 68, les militants nationalistes participent à une réunion du Front uni de soutien au Sud-Vietnam organisée par Roger Olyndre. les 1000 personnes réunies à la mutualité se retrouvent assiégées par 3000 militants pro-chinois. Voilà Occident pris à son propre piège. D'ailleurs, les gros durs du mouvement ne semblent plus si impressionnants. Dans le quartier latin, l'extrême gauche n'hésite plus à empiéter sur son territoire en distribuant des tracts au métro Odéon, face à son QG. Entre nationalistes, syndicats étudiants et groupes d'extrême gauche, la tension ne cesse de monter. Le 27 avril, les pro-chinois saccagent une exposition organisée par le Front de Libération Unie du Sud-Vietnam, rue de Rennes. Occident réagit par communiqué. Le secrétariat central vient à l'unanimité de décider qu'à partir de lundi, puisque les marxistes veulent la guerre, ils l'auront. Tous nos militants sont mobilisés. La police a laissé faire les provocateurs marxistes. Tant pis pour elle. Elle n'aura qu'à ramasser les blessés qui vont s'allonger dans les rues du quartier latin. La chasse aux bolcheviks est ouverte. Nous les écraserons. Et l'engrenage est enclenché. Occident annonce un meeting à la faculté de Nanterre pour le 3 mai, alors même qu'une journée anti-impérialiste doit se tenir sur le campus. Le meeting n'est bien sûr qu'un prétexte. Les militants veulent surtout taper du Mao. Ces derniers l'ont bien compris et transforment le campus en bunker. Le pire se prépare. Alors, pour éviter une catastrophe, le doyen de Nanterre ferme l'université dès le lendemain. Et il s'en explique. Après accord de M. le ministre de l'Éducation nationale et de M. le recteur de l'Académie de Paris, j'ai décidé de prendre les mesures suivantes. À partir de demain, vendredi 3 mai, 9h, et jusqu'à nouvel ordre, les cours et travaux pratiques de la faculté seront suspendus. Il s'agit là de mesures exceptionnelles et dont je mesure parfaitement toute la gravité. Mais ce sont les excès de quelques-uns qui les ont rendus nécessaires. Nanterre fermée, les événements s'emballent. C'est ensuite au tour de la Sorbonne de bouger, puis c'est le début des événements de mai. Les militants d'Occident se retrouvent alors face à un dilemme. Comment se positionner ? Ils sont contre le régime, comme les étudiants qui se révoltent. Mais ils sont aussi contre les marxistes. Alors, hors de question de faire cause commune. Le groupe se dirige sur la stratégie adoptée. Les nationalistes vont bien organiser leurs propres manifestations et continuer d'affronter les gauchistes. D'autant plus que jusque-là, le pouvoir s'est montré plutôt clément avec le groupuscule. Mais les événements de mai changent tout. Le gouvernement veut éviter toute nouvelle source d'explosion de la jeunesse. Une fois la crise passée, le 31 octobre 1968, Occident est dissoute par décret. Voilà, une page se tourne pour Alain Madelin, Patrick Davidjan ou Alain Longuet, qui, passé la folie de leurs années de jeunesse, se tournent vers les partis politiques normaux, ceux qui frappent avec les mots, pas les barres de fer. D'autres, comme Alain Robert, continuent le combat dans des groupes comme Ordre Nouveau ou le GUD. Descendre d'Occident naît également un parti politique, le Front National, avec à la baguette François Duprat, avant qu'un autre, un certain Jean-Marie Le Pen, rejoigne à son tour la sphère politique, là où la violence, en principe, n'est que verbale. Tourneuses et militants, pour une société meilleure, dont Israël les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, les bureaucrates et les marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas de ton clan, pas de ta race, mais c'est que le coup de pied au cul, que ce philo bourgeois qui passe, il vient de l'école de la rue, et il salit ma godasse. Maman, quand je serai grand, tu voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. Y'a l'angoisse de notre futur, y'a la société de demain. Fais-les nous voir tes projets, la couleur de ton béton. Tes HLM sophistiqués, on n'en veut pas, nous, nos maisons. On se les construira nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça ne fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher, maman. Quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Ben alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. 17 ans pour être marchand de pénicilline, des saloperies de médicaments. Aux bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras et aux prolos des ulcères parce que c'est un peu moins cher. Et le tiers-monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté, la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je pourrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas, moi, poète. Étudiant en droit, y'a plus de facho dans tes passions que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire être du con. Demain, c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer ces lois que jamais on a votées. Tu fils juge ou avocat, ta justice, on n'en veut pas. Et si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, infirmière. T'as jamais lu le Capital, mais y'a longtemps que ça figé. Faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait gerber, on veut pas finir l'oufia au service de cet état, de cette société ruinée. Des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire du groupe Occident avec notre invité Frédéric Charpier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans le domaine du renseignement. Vous avez publié de nombreuses enquêtes, parmi lesquelles Génération Occident, paru au Seuil en 2005, et Les Plastiqueurs, une histoire secrète de l'extrême droite, aux éditions La Découverte l'an dernier, en 2018. Comment avez-vous travaillé pour votre enquête? Parce qu'un certain nombre d'anciens d'Occident ont aujourd'hui des responsabilités dans des partis respectables, des postes importants. Je crois savoir qu'ils sont un peu gênés aux entournures pour parler de leur jeunesse. Alors comment on enquête? C'est avec des témoins qui tous, ou pas tous, ont envie de parler, quoi. L'avantage, c'est que bon, il y avait de la ressource, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que. Ouais, donc, vous avez cité pas mal de gens dans votre rappel historique du mouvement, bon, que j'ai rencontré, qui ont vécu ça aussi aux premières loges. Bon, donc ça compensait un peu. Il y en a qui ont accepté de me rencontrer, comme Patrick Devedjian, même si bon, lui aussi, il a un peu tordu souvent les faits à son avantage. Si je veux dire, mais je comprends un peu la démarche. Et puis il y en a d'autres qui ont refusé de me rencontrer, comme Alain Madelin, en dépit justement des efforts, par exemple, de Patrice Gélinet, qui est intervenu à plusieurs reprises pour que... Je connaissais Madelin avant, mais là, il était sur ce sujet-là, fermé comme une huître. Bon, Longuet s'est méfié de moi. Bon, bah, j'étais plutôt catalogué comme un type de gauche, donc ils le savaient, je m'en cache pas d'ailleurs. Et donc ils étaient un peu dubitatifs, mais il y avait beaucoup de gens à l'intérieur de cette mouvance qui me poussaient, entre guillemets, parce que ils avaient envie d'avoir leur génération montrée au grand jour. Sincèrement, ils étaient très sincères. Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont, entre guillemets, déballés, même parfois même en avec une certaine emphase et excitation, en se remémorant leur passé. Donc, il y avait quand même un ensemble de faits qui m'ont porté un petit peu. J'étais au courant de ce qui se disait entre eux à mon propos, etc. Donc, ça n'a pas été totalement difficile de contourner cet obstacle. Pour Gérard Longuet, je vais juste... te raconter une petite anecdote qui est assez amusante, je crois. Donc, il s'était méfié de moi. Mais lorsque le livre est sorti, il m'a envoyé un petit mot. À l'époque, il était sénateur. Il est peut-être encore, d'ailleurs, aujourd'hui. Et dans un petit mot me demandant si j'étais libre à déjeuner. Et comme moi, j'aime bien rencontrer les gens, j'ai dit oui. Puis on a passé toute une journée dans un petit restaurant à Paris qui était quasiment fermé. Il y avait lui, moi et puis un de ses amis, qui était un ancien Occident aussi, d'ailleurs. Et il m'a raconté... sa version d'Occident. Je trouve ça plutôt sympa. Je lui dis que j'aurais préféré qu'il me le raconte avant. Mais enfin, bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà. Donc, ça n'a pas été vraiment un obstacle. Mmh. J'ai eu accès à énormément de sources, de documents et de témoignages. Alors, je reviens sur ces militants, voire dirigeants d'Occident qui sont devenus des hommes politiques respectables et connus. Ils répondent « erreur de jeunesse ». Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui les faisait courir à cette époque-là ? Ben, disons qu'il y a plusieurs choses. Hein. Je crois que l'élément fondateur pour beaucoup d'entre eux, c'est la guerre d'Algérie, ça se discute pas. Pour d'autres, c'est les séquelles de la collaboration, parce que il y avait une ambiance un peu fasciste, hein, il faut dire les choses comme elles sont, hein, dans le mouvement. Donc il y avait beaucoup d'anciens, des fils qui étaient des fils d'anciens de la collaboration. Vous avez cité tout à l'heure un ancien de la cagoule, etc. On aurait pu en citer d'autres. Hein. Bon, et donc il y avait, disons, un phénomène, on va dire, sociologique historique normal, qui étaient des gens qui perpétuaient un petit peu l'histoire familiale. Il y avait un rejet de la société telle qu'elle se présentait, une volonté de s'illustrer de manière un peu marginale, arrogante. Ça, c'était, ils étaient très sensibles à ça, une forme de dandysme. Et puis il y avait la guerre d'Algérie. Alors là, indiscutablement, ça a été... C'était ça le ciment. Le truc qui les a construits, c'est ça. Et l'indépendance de l'Algérie, c'est le ciment. Il y avait à la fois le côté très politique, puis il y avait le côté mythologique, c'est-à-dire l'Ouest, le combat perdu. Et puis se sont tous, enfin pas tous, mais beaucoup se sont impliqués également dans les pratiques de l'Ouest, c'est-à-dire les attentats, les plasticages, etc. Donc, parce que la FEN, dont vous parliez tout à l'heure, la Fédération des étudiants nationalistes, elle a servi beaucoup de vivier à l'OAS, et beaucoup de jeunes, justement j'en parle dans les plastiqueurs, se sont ralliés un petit peu à cette pratique. Beaucoup, y compris des gens connus, je donnerai pas leur nom parce que je connais l'histoire, mais je ne veux pas les compromettre, sont allés déposer des bombes ici et là, dont l'un sur le tapis de René Cassin. Donc, grosso modo, l'Algérie, ça a été leur élément fondateur. Et en plus, en cela, ils s'opposaient à l'extrême-gauche, parce qu'ils ont une sorte de parcours commun, en parallèle. C'est-à-dire, ils se sont construits un petit peu par opposition, aussi. Et d'un point de vue idéologique, Occident, ça dit tout. C'est-à-dire qu'ils sont, les défenseurs des valeurs chrétiennes, occidentales, le trépied de la culture occidentale, parmi lesquels le monde... Mais tout à l'heure, vous avez rappelé, vous avez eu raison de le faire, parce que c'est vachement important. C'est-à-dire qu'au fond, Occident s'est construit sur le plan idéologique et programmatique sur ce qu'a été Jeune Nation, qui là est un mouvement qui, lui, est un élément directement issu de la collaboration, créé par Pierre Sidos, soutenu par à peu près toute l'extrême droite collabo de la guerre, voilà, et qui perpétuait évidemment toute une série de thèmes sur la race brachiocéphale, etc. Enfin, tous ces délires un petit peu ethnico-raciales. Bon, Et ils se sont construits à partir de ça, jusqu'à un certain moment où il y a eu une véritable rupture. Parce que je crois que ce qui a dû se passer à un moment donné, c'est qu'ils me l'ont souvent dit, c'est qu'il y avait une vraie identité un peu fasciste, hein, il faut dire les choses comme elles sont, raciste, pour certains antisémites. Et puis il y a eu la volonté générationnelle de faire autre chose, quoi, de s'ouvrir à une sorte de forme de modernité, tout en restant à droite, hein. Et nationaliste. Et c'est une époque, la guerre froide, qui offrait beaucoup d'opportunités dans l'action. Parce que ce qui les caractérisait surtout, c'était l'action. C'était pas... Ils avaient un journal, il s'appelait Occident Université, mais enfin, très peu le lisaient, et ils se retrouvaient surtout dans l'action. Vous voyez, moins dans les débats que dans la castagne. D'ailleurs, si vous prenez Alain Madelin, il était totalement fasciné par un vieux de la vieille d'Occident, qui devait avoir 25 ans alors que lui en avait 16, et qui était un boxeur né. Et il a souvent demandé à ce type de l'initier à la boxe. Et c'est avec ce garçon qu'il a pris ses grandes dérouillées au bois de Vincennes. Alors, pour en finir avec le passé qui ressurgit autour de Madelin, de Vejean, Longuet, on va écouter une archive ensemble, un échange, en février 2014, un échange entre Manuel Valls, Premier ministre, et Claude Goasguen à l'Assemblée nationale. Vous avez été complaisant au cours de ces derniers mois avec ceux qu'il y a à quelques mètres d'ici, s'en prenez aux valeurs de la République, au rôle du Parlement, à la majorité parlementaire. Ici, il y a des députés de votre groupe qui ont été complaisants avec ceux qui cassaient, qui s'en prenaient aux policiers et aux gendarmes. Eh bien, ce gouvernement est ferme avec tous ceux qui s'en prennent aux valeurs de la République, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Et face à l'ultra-gauche, ou face à l'ultra-droite, farce à cette extrême droite, eh bien nous répondons. Monsieur Goasguen, vous en venez, vous, de l'extrême droite. Vous savez ce qu'il en est. Nous ne sommes complaisants avec personne. Vous êtes complaisants. Et nous créons Les choses sont claires avec nous. Allez, s'il vous plaît, on s'assoit. Ah, et tout le monde est parti, enfin la droite a quitté l'hémicycle, dont Claude Goasguen, député et maire du 16e arrondissement de Paris, donc lui aussi faisait partie de ce groupe. Alors lui, il a beaucoup de mal à l'assumer. Hein. Ouais, bon, je sais, j'ai été évidemment très sollicité après les déclarations de Manuel Valls sur cette question-là. Bon, moi, c'est très simple. Moi, Claude Goasguen, je l'ai dit un confrère de Libé, ou bien il avait un homonyme parfait. Ou bien c'est lui, hein. Parce que si vous voulez, j'ai travaillé en ce qui le concerne, des témoignages de gens qui l'ont côtoyé à cette époque-là, qui jouent aux cartes avec lui, qui jouent aux cartes et connaissaient évidemment ses opinions. C'était le petit groupe d'Occident qui se réunissait rue Le Verrier. Bon, j'ai travaillé avec le registre d'Occident que j'ai, où il y a évidemment les coordonnées de monsieur Claude Goasguen, son numéro de téléphone, sans doute celui de ses parents, etc. Après, j'ai travaillé avec toute une série de documents que j'ai récupéré, documents internes. Voilà, et là, si vous voulez, je ne fais même pas allusion aux documents de police. Hein. Je préfère, là, pour l'instant, vous parler que de ce document-là. Donc, grosso modo, il s'agit bien du même Claude Goasguen, qui était engagé dans un travail, on va dire, étudiant. C'est vrai qu'il était assez peu dans les bagarres, mais en fond, il était très engagé dans les jeux d'influence au sein des organisations étudiantes de droite. À l'époque, il y a beaucoup d'enjeux de ce genre. Voilà, alors deux choses l'une, ou bien c'est pas le même Goasguen, ou bien c'est le même. Alors, est-ce que ces militants, et surtout les dirigeants d'Occident, étaient surveillés de près par ce qu'on appelait avant les RG, renseignements généraux ? Vraiment, vraiment, vraiment surveillés ? Bah, écoutez, honnêtement, ils étaient surveillés, bien sûr, infiltrés, largement, pas que par les RG. La DST aussi avait des correspondants. Même le SDEC, à un moment donné, a eu un correspondant. Bon, il y avait aussi, en plus, parce que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, c'est difficile de l'aborder comme ça, là, rapidement, mais il y avait des organisations anticommunistes très, très organisées, qui elles-mêmes avaient beaucoup de relais dans les services de contre-espionnage, français et étrangers, qui ont, à un moment donné, pris un peu le pouls autour de ce mouvement. Et j'avais interviewé très longuement celui qui était l'émissaire de cette officine anticommuniste et qui avait infiltré le mouvement Occident et voilà, et qui avait après choisi des gens, parce que c'était aussi une manière de choisir les gens à l'intérieur, les repérer pour les faire sortir de là, parce qu'il fallait qu'ils sortent de là pour certains. Comment était-il perçu par le pouvoir gaulliste à l'époque? Parce qu'on peut imaginer que les gaullistes estimaient ou pensaient que finalement ce groupe d'extrême droite était potentiellement plus dangereux pour le général de Gaulle, que les mouvements d'extrême gauche. Je rappelle quand même que l'attentat du Petit Clamart, ça vient pas d'extrême gauche, hein, ça vient d'extrême droite. Ah non, mais là vous avez raison, là c'est un autre aspect de l'histoire d'Occident qui a été un moment dans l'histoire de l'ultra-droite et de la droite activiste dont on parle aujourd'hui, qui était la même droite, violente, hyper-violente, etc., dangereuse. Dangereuse évidemment, parce que capable de poser des bombes, de tuer des gens, etc. Mais Occident, quand Occident, celui dont on parle, là, vers la fin des années 60, c'est déjà plus ça. C'est déjà plus ça. Il y a une espèce une perdition un petit peu de cette dangerosité. Ils sont devenus un peu aseptiques. Ils ont été un peu aseptisés et ils ont été plutôt retournés, je dirais, sur le plan idéologique. On les voit plus souvent à l'ambassade de Vietnam du Sud ou l'ambassade de Grèce quand les colonels ont pris le pouvoir qu'ailleurs, vous voyez. On rappelle que ce groupe-là défendait ouvertement la guerre menée par les Américains au Vietnam. Et quand on connaît les conditions de cette guerre, le napalm et compagnie, fallait oser quand même. Oui, mais c'était, moi je pense que pour certains, c'était une véritable adhésion. C'est un marqueur. Politique. Bon, on avait le droit après tout de... Mais c'était des régimes qui n'étaient pas neutres. Hein. Quand on dit, oui, ce n'était qu'un engagement anticommuniste. À ce moment-là, on peut dire qu'Hitler aussi, c'était un anticommuniste même primaire. Voilà, donc ça suffit pas, ça n'explique pas tout. Il y avait à la fois une volonté de défendre ce qu'ils appellent l'Occident, c'est-à-dire les puissances occidentales et la race blanche, parce que c'est généralement associé. Et leurs valeurs et les racines chrétiennes. Voilà, c'est ça. Après, il peut y avoir des divergences. Hein. Ils n'étaient pas tous... à un moment donné, il y a eu presque des schismes à l'intérieur de ces groupes-là. Enfin, disons que ça ne les gênait pas, évidemment, de défendre le Vietnam du Sud, même s'il y avait des gens enfermés dans des petites cages là-bas. Voilà, c'est... Alors, on l'a dit dans le récit, mai 68 a mis Occident dans une position difficile, finalement. On va écouter une archive, la dernière, ensemble, sur ce point, et on en rediscutera après. Une archive qui date du 18 mai 68 sur la RTF. Pour en terminer avec les manifestations, rappelons qu'hier soir à Paris, un millier de jeunes gens et de jeunes filles, dont la plupart se réclamaient du mouvement Occident, ont défilé, drapeau tricolore en tête, place de l'Étoile, avenue Friedland, boulevard Haussmann, jusqu'à la Madeleine, où ils se sont dispersés. Ils protestaient contre l'agitation d'extrême-gauche à l'université et contre les tentatives actuelles de subversion communiste. Alors c'est vrai que l'Occident s'est trouvé dans une position paradoxale en 68. Oui, il y a eu des phénomènes qui sont liés à leur histoire. D'abord l'antigaullisme, parce que c'était d'abord un mouvement antigaulliste. Donc là déjà, beaucoup d'entre eux se frottaient les mains, laissons les gaullistes se démerder. Et si en même temps le mouvement pouvait les faire tomber le régime, tant mieux. Tant mieux. Alors ça c'était un premier point. Deuxième point, il y avait ceux qui disaient la même chose, en ajoutant, oui mais attention, s'il y avait un péril communiste qui pouvait se... Donc il faut aussi savoir à un moment donné... s'allier avec nos pires ennemis pour s'opposer au communisme. Bon, et puis il y avait une troisième tentation, c'était, je dirais ça, la tentation générationnelle. Beaucoup d'entre eux me l'ont raconté, c'est-à-dire que quand le Quartier Latin était un peu leur terrain de jeu, si j'ose dire, extrême-gauche, extrême-droite, ils s'agressaient souvent, ils se battaient, il y avait des règles qui étaient discutées entre eux, d'ailleurs, pour ne pas aller trop loin dans les affrontements. Il y avait des accords de Genève, comme à la guerre. Il y avait des accords, certains personnages bien connus, comme Madeleine et Goldman, faisaient partie de ceux qui négociaient la manière dont il fallait ne pas aller trop loin dans les bastons au Quartier Latin. Ce qui fait que quand ils ont vu arriver la police qui tapait sur... Ils se sont dit, c'est quoi ces intrus, quoi? Grosso modo, ils se sont dit, bon, il faudrait... Voilà, il y a eu un phénomène d'adhésion générationnelle, une forme de défense dans un premier temps, en disant, on va aller se taper avec les flics, parce que c'est notre territoire, c'est pas le leur. Bon, après, il y a eu à l'intérieur du mouvement des choses qui allaient bien plus loin. C'est une forme de différenciation politique. Certains militants ont carrément rejoint des mouvements d'extrême gauche. Alors, au bout du compte, Occident est dissous, mais on laisse passer du temps avant de dissoudre. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des exactions. On sait ce qu'ils ont fait, ces militants, comment ils ont tapé et avec quelle brutalité. Bon, ça s'est passé de manière un petit peu progressive. Disons grosso modo que le pouvoir, vous le disiez au début, le pouvoir ne voulait plus d'incidents. Il voulait ramener l'ordre. Il ne voulait pas qu'il y ait de nouveau des événements de violents au niveau universitaire. Il se trouve que Occident avait des velléités. Il se trouve également qu'un certain nombre de responsables d'Occident, comme Alain Madeleine par exemple et quelques autres, avaient déjà été décrochés du mouvement parce qu'on estimait à juste titre que c'était des garçons de valeur qui avaient de l'avenir. Donc déjà on les avait ce qui était vrai. Donc on les avait mis un peu de côté. Et donc grosso modo la frange la plus activiste quand elle a commencé à battre le rappel de l'action violente, bon ils ont été immédiatement sanctionnés, dissous, voilà. C'est un peu aussi simple que ça. C'est surtout l'après 68 qui a été déterminant. Quoi. Alors, l'héritier, le parti politique le plus proche de ces mouvements, c'est évidemment le Front National, et c'était encore plus évident dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, qui sont les héritiers de ces gens, si tant est qu'il y en ait. D'Occident lui-même. Je n'en vois pas vraiment. Mais c'est pour ça que je dis si tant est qu'il y en ait. Pour une raison, parce que comme j'ai beaucoup discuté avec des anciens d'Occident, puis c'est des gens qui avaient une certaine culture politique, et pas que politique. C'était des gens qui avaient aussi une culture littéraire. C'est des gens qui s'intéressaient aux romans, au cinéma. Ils avaient leurs propres repères. Voilà. Puis derrière, il y a un personnage dont vous n'avez pas parlé, qui était très important, c'est Alain de Benoist quand même. Alain de Benoist, qui a été un peu quand même quelque part. Quelqu'un qui a énormément influencé. Qui a commencé au Club de l'Horloge, c'est ça ? Non, il a commencé directement. FEN. Bon, c'est un personnage extrêmement important dans la formation culturelle, parce que c'est son biais à lui. Hein. Et il a effectivement ouvert la voie à cet aspect-là des choses qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Bien, désolé Frédéric Charpie, on n'a pas le temps de développer la réponse à cette dernière question, mais l'heure c'est l'heure en radio. En tout cas, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le groupe Occident, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui.